mal se dit le mot. Le président danse en ce moment. Et plus obstinés à chaque instant. T'as tout sa peau de grand sang. Plus métaphore que transparent. Le président danse autrement. Si le silence.